tout se meurt. Tu ne crois plus à notre bonheur. Et tu deviens sans raison ni cause, nerveuse et morose. Rose, rose, rose, rose, ah oui, je me souviens. J'avais quoi, 17 ans, toi, peut-être un peu moins. Quand tu séchais tes cours et venais le matin pour m'apporter ton cœur comme un bouton de rose. Rose, rose, amour de mon passé, quand tu venais me voir dans ma chambre au grenier, je trouvais que ta peau sentait le foin mouillé. Et quand je t'embrassais, mais ça c'est autre chose. Tout s'en va, tout se meurt, tu veux fermer ta porte à mon cœur. J'entends déjà le vent qui se lève pour chasser mes rêves. Ève, Ève, Ève, Ève, encore un souvenir qui m'a brûlé le cœur avant que de faiblir. J'ai cru devenir fou, j'ai voulu en mourir, mais le temps guérit tout un jour sans crier gare. Ève, Ève, à mordre follement dans le fruit de l'amour, on se brise les dents. Si tu m'as fait du mal, j'ai conservé pourtant le souvenir des jours, je crois que je m'égare. Tout s'en va, tout se meurt, je sens qu'en moi s'installe la peur. Tu as déjà bouclé ta valise et je réalise. Lise, Lise, Lise, Lise, où es-tu aujourd'hui? Toi qui mourais le jour pour renaître la nuit. Toi qui marchais pieds nus en rêvant sous la pluie, abhorrant le soleil mais adorant la neige. Lise, Lise, et tes cheveux mouvants, fantasques, inattendus, mi-femme et mi-enfant, qui tombaient dans mes bras parfois en sanglotant ou en riant très fort. Voyons, où en étais-je? Tout s'en va, tout se meurt, je ne suis plus qu'une ombre en ton cœur. Je vois bien qu'en toi tout s'apprête pour d'autres conquêtes. Quête, quête, quête, quête à l'accent que j'aimais, qui malgré ses efforts lorsqu'elle s'exprimait ne pouvait s'empêcher d'écorcher le français, qui bien qu'étant anglaise était pourtant d'argile. Quête, quête avait mis le trésor et des taches de rouille agrémentaient son corps, comme si ses parents l'avaient laissé dehors. Trop longtemps sous la pluie, le bonheur est fragile. Tout s'en va, tout se meurt, mais le printemps revient en vainqueur. Les bras chargés de rêves et de fleurs, et sèche l'on pleure, et sème l'on cœur. C'est grand.